Alors bonjour tout le monde, bienvenue à Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et avec moi cette semaine, le vacancier est de retour, mon ami et collègue Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon Ça cher. va bien? Bien reposé? Oui, totalement. En fait, j'ai absolument rien fait au cours de mes vacances. Je suis resté chez moi presque tout le temps. OK. Ça a été vraiment l'idéal. Donc là, c'est dû me dire que ton gazon est quand même très long parce que tu n'as même pas daigné aller le couper. Est-ce que je peux te faire une confidence? Ah ouais, donc. C'est totalement le cas. Ah. Je n'ai pas recoupé le gazon depuis une semaine et demie. OK. Je suis encore à la veille de perdre mes chiens. Mes voisins doivent trouver que je n'ai pas d'allure, mais regarde, je hais ça faire ça. Je déteste ça profondément. Moi, mais t'as un ado. Oui, mais j'ai un ado qui travaille deux jobs. Ah, OK, ouais, c'est dur de trouver du temps pour faire du gazon dans ce temps-là. Mais tes chiens sont quand même assez gros. Si t'es en train de perdre tes chiens dans le gazon, le gazon doit être long à peu près, là, parce que ton chien, c'est pas comme le mien. La dernière fois, j'ai été obligé de le faire trois fois OK. dans la même journée, là, pour être capable de l'amener à un niveau raisonnable. Ouais, mais je suis quand même fier de toi que tu aies pris le temps de te reposer parce que normalement, t'es quand même un. Le monde ne le savait peut-être pas, mais tu es un bourreau de travail. Tu travailles tout le temps, tu travailles beaucoup. Les gens pensent peut-être que le travail de journaliste automobile, c'est relax, on conduit des autos tout le temps, là, mais tu as beaucoup d'articles à remettre pour différents sites tout le temps. Puis des fois, je te parle puis tu as la broue dans le toupette. C'est comme j'ai 10 articles à remettre pour demain ou une affaire de même, là. Fait que, Ben, t'sais. il faut savoir que, en fait, comme on travaille, ben, moi je travaille pour Netmedia 360 et on est une compagnie qui fournit du contenu à plusieurs plateformes. Fait qu'on a Écolo Auto, VUS Mag, Auto au féminin, Luxury Car Magazine. Ça, c'est à nous, ça nous appartient. Ben, c'est On ça. est aussi collaborateurs. Si tu regardes, on est collaborateurs sur Huffington Post Auto, la section auto, c'est nous autres qui s'en occupent. Il y a un site qui s'appelle affairedegas.com, c'est nous autres qui s'occupent de la section auto. On fait des contributions à la section écolo sur le site guide, sur le site du guide de l'auto. OK. Alors, quand on va dans la section écolo, c'est Écolo Auto qui s'en occupe. Je fais de la radio, tu le sais. Bon, je fais le podcast avec toi. Je co-anime deux émissions de télévision, occasionnellement Virage sur les ondes de Télémag dans la région de Québec. Et ben, j'ai recommencé Ça roule TV cette semaine. On va d'ailleurs en parler un peu plus tard. Non pas de l'émission, mais de la voiture avec laquelle j'ai préfet mon tournage cette semaine. OK, c'est bon. Et là-dedans, il faut que je te parle en plus. Fait que, regarde, Ben, c'est ça, c'est la ça partie la occupe plus mes difficile. semaines. Ça Ouais. occupe mes semaines. Ouais, la partie la plus difficile, c'est me parler quand même, là, je te comprends. Mais c'est bon. Donc, nous sommes de retour, une petite émission cette semaine qui devrait être complète, là, environ notre heure habituelle. Marc, je veux commencer par quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui se magasinent des voitures ces temps-ci, des voitures neuves. Le marché de la voiture neuve se porte hyper, hyper bien au Canada puis au Québec. On se demande comment ça se fait qu'à chaque mois à peu près, on reçoit des courriels qui disent que tout le monde a eu leur vente record. Je veux dire, à quelque part, il doit y avoir quelqu'un qui vend moins à un moment donné, là, je sais pas. Je reçois des courriels, tu sais, puis c'est toujours ah, record de vente pour le mois, record de vente pour le mois, le meilleur mois de l'année. C'est toujours en s'améliorant. C'est Ben, il faut dire qu'ils n'ont pas complètement tort, c'est-à-dire que, il y a effectivement une progression des ventes chaque année au Canada, là, depuis 2008, c'est vraiment l'enfer. Mais ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Sauf qu'ils ont toujours comme un modèle qui s'est amélioré. Tu sais, c'est pas nécessairement toutes les ventes, mais toujours un modèle. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement tous les modèles qui se vendent bien, mais quand même. Donc, puis c'est ça. Fait que présentement, moi, là, c'est tranche de vie, vraiment. Je commence l'émission avec une tranche de vie. Ma belle-sœur se magasine une voiture parce que mon neveu commence l'école, commence le cégep, il passe du secondaire au cégep. Et puis, il a besoin d'une voiture pour voyager. Donc, ma belle-sœur avait une Mazda 3 2010 qu'elle a donnée. Donc, elle a SAQ et tout ça. Et pogné quelqu'un de très gentil qui a dit, mais madame, si vous n'avez pas votre son baptistère, moi, je peux pas. Vous pouvez pas me prouver que vous êtes sa mère, on peut pas juste faire le don de la voiture. Ça a été déjà compliqué. Puis elle est retournée plus tard avec des documents qui prouvaient que c'était son fils. Puis l'autre femme au comptoir, qui n'était pas la même, a dit, oh, il n'y a pas de problème avec ça, madame. C'est correct. On va faire le change de nom. Ça dépend toujours qui vous allez pogner, là. Mais Écoute, ça. j'ai eu la même chose quand j'ai acheté la voiture de ma sœur pour mon fils. OK. Ça a été exactement le même cas, sauf qu'en plus, dans notre cas, c'était absolument inutile parce que c'était une voiture qui avait plus de 10 ans. Donc, elle n'était même pas dans le prix, la liste de prix, là. Fait que c'était vraiment comme pourquoi, tu sais. Mais en Ouais. tout cas, bref, ça a été compliqué, on a fini par s'en sortir. Ouais, des fois, il aime ça nous rendre la vie un petit peu plus difficile. Mais bon, donc c'est ça. Donc, ma belle-sœur se magasine une voiture. On est allé voir un concessionnaire d'une marque. Je n'aimerais pas le concessionnaire, je n'aimerais pas la marque pour pas être pas gentil. Mais elle se magasine une petite voiture, un petit VUS compact, qu'on pourrait dire, là, dans la gamme des CX-3, un peu le Soul, le Juke, c'est tout ce petit modèle de voiture qui est un petit peu plus haute qu'une voiture normale. C'est ça qu'elle se magasine. Donc, on s'en va chez le concessionnaire. Un vendredi passé, vendredi de la semaine passée, puis là on commence à bon, elle aimerait telle chose, elle veut pas de couleur jaune ou vert, elle veut quelque chose de moins voyant, donc on arrête le choix sur un magnifique et très très commun argenté, hein, silver. Comme 90% des voitures sont de cette couleur-là, mais elle voulait quelque chose de, tu sais, qui allait pas nécessairement trop flashé quand elle a conduit. Fait que là, on commence à regarder, ah, j'en ai pas ici, je peux en trouver une ailleurs, mais t'sais, fait que là, il faudrait signer à soir, on va vous faire un bon prix, mais il faut signer aujourd'hui. Puis fait que là, je regarde l'ambassadeur, je dis, regarde, c'est-tu vraiment ça que tu veux? Le prix qu'il te fait, ça a de l'allure, ça incluait des pneus d'hiver et tout ça. C'est dans ton budget. Je pense pas que tu peux nécessairement trouver mieux ailleurs. Fait que, tu sais, si tu veux signer, si t'es prête, c'est ça que tu veux, moi je te dis, vas-y, le prix a l'air correct. Donc, elle se décide, elle signe tout ça. Le gars dit, c'est beau, il n'y en a pas ici, mais il y en a un en Ontario. Fait que moi, je vais le faire mettre de côté. On va le ramasser lundi, puis au courant de la semaine, on va pouvoir vous le livrer. Fait que parfait, ma belle-sœur signe les papiers. Il dit, ben, vous reveniez demain, parce que là, il faudrait passer au crédit puis tout ça. Puis la fille est là demain matin. C'était tard le soir, c'était vendredi, presque à la fermeture. Fait qu'elle dit, vous repasserez demain. On repasse le lendemain, elle passe au crédit, elle signe les papiers, tout ça. C'est fait, elle a acheté la voiture. Pas de numéro de série encore, parce que la voiture a été, oui, mise de côté, mais on n'a pas eu le VIN, le numéro de série de la voiture. Donc, on attend. Il dit à ma belle-sœur, bon, lundi, on va aller chercher la voiture. En arrivant là-bas, la personne qui va aller chercher la voiture va nous donner le numéro de série. On va vous appeler, on va vous donner votre numéro de série, puis vous allez pouvoir appeler vos assurances pour le faire assurer. Parce que si vous achetez une voiture puis vous la payez cash, vous n'êtes pas obligé de la faire assurer. Le concessionnaire s'en fout carrément. Mais s'il y a du crédit, une banque crédit d'un constructeur, ça prend absolument une preuve d'assurance pour quitter avec la voiture. Donc, ma belle-sœur attend après ça. Pas de nouvelles lundi, pas de nouvelles mardi, pas de nouvelles mercredi. Et puis, hier après-midi, donc jeudi, parce qu'on enregistre le vendredi, jeudi à 3h, elle reçoit un appel en disant, ben, elle dit, la voiture qu'on a fait mettre de côté, argentée, le dealer l'a vendu. Fait qu'elle n'est plus là. Mais on en a trouvé un autre. La seule chose, c'est que le concessionnaire a fait teinter les vitres puis a fait faire quelque chose à l'intérieur pour la faire sortir un peu du lot. Fait qu'il faudrait vous payer 800$ de plus si vous voulez avoir celle-là. Ma belle-sœur dit, ben non, on a une entente, je veux celle-là à tel prix, c'est ça qui est dans mon budget. Donc, à ce prix-là, je la veux pas. Fait que le concessionnaire dit, ben c'est beau, seriez-vous prête à prendre une autre couleur? Il dit, il y a du vert et il y a du jaune de disponible. Ma belle-sœur a dit, mais c'est parce que je t'ai dit vert et jaune, c'était non au début, fait que c'est pas plus oui une semaine plus tard. Fait qu'il dit, ah, mais il y a un gris un peu plus foncé de disponible. Il dit, OK, gris foncé, ça ferait mon affaire. Il dit, parfait, il y en a 8 au Canada, il y a une coupe que je pourrais avoir, mettre la main dessus. J'appelle le concessionnaire tout de suite et je vous rappelle tout de suite. À 6h hier soir, donc tout de suite 3h plus tard, toujours pas d'appel. Donc, moi, j'arrive à la maison, ma femme me dit, bon, ta belle-sœur a appelé, pas de nouvelles du concessionnaire, il n'y a plus l'auto qu'il voulait. Non, j'ai dit, c'est beau, je dis, appelle-la, dis qu'elle s'en vient ici pour 7h et on va aller voir le gérant là-bas. Oui. Donc, moi, un petit peu pompé, j'arrive là-bas et je dis, ben gars, j'ai dit, c'est simple, tu y trouves une voiture de la couleur qu'elle veut ou tu y redonnes son dépôt. Puis c'est tout. Puis si ça marche pas, ben j'ai quand même quelques contacts chez la maison mère pour laquelle tu travailles. Je peux faire des appels demain. Il dit non, il dit pas de problème, on n'a pas besoin de se rendre là. S'il y a quelque chose, je vais y redonner son dépôt et tout ça, il n'y a aucun problème. Ça va être correct, mais j'ai dit, j'attends toujours des nouvelles. Il dit, le dealer en Ontario me rappelle pas. Il dit, ça fait 3 messages que j'y laisse. Il me rappelle pas. Je dis, mais regarde, j'ai dit, là, on est là. Tu vas rappeler là. Fait que là, il dit oui, pas de problème. Il rappelle. Et, comme de raison, pogne la réceptionniste, qui avait l'air très, très gentille à la réception, dit, est-ce que je peux parler à la personne qui est en charge des échanges entre concessionnaires? Parce que ça se fait, c'est une loi non écrite que j'ai besoin d'une voiture bleue, moi j'ai une blanche en stock, on se fait-tu un échange? Et puis souvent, ça passe comme ça, puis il n'y a pas de problème. Ils Ouais, mais s'entraident attends. de temps Il n'y a en temps. pas de, il n'y a pas d'obligation, hein, il faut le Non, non, non, non, préciser, non, là. c'est une loi non écrite, là. C'est comme C'est ça. une bonne entente, là. Mais donc souvent, ça se fait, il n'y a pas de problème. Moi, quand j'ai acheté mon Ford Escape, il n'y avait pas de gris à l'île Perrot où je l'ai acheté. Ils l'ont fait venir, je pense, de Brossard, quelque chose comme ça. Fait qu'ils se sont échangés deux Escapes similaires. Puis bon, tu sais, ça se fait souvent, là. Donc souvent, même si vous allez acheter une voiture puis ils l'ont pas en stock, ah, mais il y en a chez tel concessionnaire, je vais regarder pour vous l'avoir. C'est plus vite que de le faire à l'usine, puis de le commander, puis là, d'attendre que ça passe la chaîne de production, puis que ça passe en train ou en bateau, dépendant de ce qui est fait. C'est moins long de l'échanger en concessionnaire. Donc, ça se fait souvent, c'est commun. Donc, fait que j'ai dit, bon, ben, puis la réceptionniste dit, bon, ben, OK, je vous transfère. Ça sonne. Ah, il n'est pas là, est-ce que je peux prendre un message? C'est parce que ça fait trois messages que je laisse aujourd'hui, puis il ne rappelle pas. Donc, ça a pas débouché. Fait que la morale de l'histoire, c'est tenez-vous debout si ça vous arrive à vous autres aussi. Si vous commandez quelque chose, vous avez une entente avec un concessionnaire, puis c'est sûr, plus que c'est écrit, mieux que c'est, là, plus qu'il y a de détails dans le contrat, donc vous voulez une voiture de tel modèle, telle marque, telle couleur. Assurez-vous que ça soit tout marqué sur le contrat, comme ça, ben, s'il n'est pas capable de livrer ce qu'il y a sur le contrat, vous avez le droit de faire annuler le contrat, là. Il vous redonne votre dépôt, vous ne perdez même pas votre dépôt. Nous autres, on est rendu là. J'ai dit au gérant là-bas, bon, ben, OK, tu me rappelles aujourd'hui. Si je n'ai pas de nouvelles aujourd'hui, ben moi, à 6 heures, je suis chez vous, puis tu remets le dépôt, puis tout, puis on s'en va ailleurs. Fait que vous avez le droit, tenez-vous debout. Puis c'est pas toujours. Tu sais, il y a des concessionnaires qui sont super bons, il y a des concessionnaires qui sont super gentils, il y en a qui essayent de vous en passer des vitres. Laissez-vous pas marcher ses pieds non plus, là. Ah ben mon boss t'a fait un bon deal si tu signes à soir. Regarde. Allez ailleurs dans ce cas-là. Moi, ils m'ont dit ça. L'autre jour, je l'ai regardé avec un air bête. Puis j'ai regardé avec un petit air un petit peu vraiment, là, tu veux jouer ce game-là, là. Tu veux me dire que si on sort d'ici à soir, puis on vient te revoir demain matin pour te débarrasser du char qui est sur ton terrain depuis 300 jours, tu ne feras pas le même deal. T'sais, regarde. T'sais, écrase un Mais peu, là. Fait que, non, c'est laissez-vous sûr. pas brasser par les concessionnaires. Ils veulent vendre. Puis si vous sortez, puis vous revenez le lendemain, puis vous dites, tu sais, le deal que tu me faisais hier, je le veux aujourd'hui, il va vous le faire s'il l'a pas vendu l'auto. Fait que, juste tenez-vous debout, vous avez des droits. Puis non, les expériences de magasinage, c'est pas toujours facile et concluant. Mais dans le cas de ma belle-sœur, ça presse parce qu'elle a besoin d'une voiture avant que les classes recommencent, les professeurs. Donc, elle a besoin d'une OK. voiture d'ici une semaine et demie à peu près, là, t'sais. Donc, ça urge un peu. Fait que là, on a ouvert un petit peu plus large, là. Elle est ouverte à aller à une voiture. Donc là, j'ai dit, ben là, t'sais, si tu me dis que tu veux un auto dans le sous-compact ou dans le compact, là, tu rouvres large, là. Je peux te Oui. magasiner d'autres choses, là. Donc, c'est ça. Voilà. C'était pas super, mais tenez-vous debout. C'est ce que j'ai fait. T'sais, souvent, t'sais, ma belle-sœur était gênée. Ah, mais je connais pas mes droits. Je sais pas si je peux juste dire je la veux plus. Vu que t'es pas capable d'avoir exactement ce que je veux, ben redonne-moi mon argent. Elle était pas sûre. Regarde, viens, on va aller faire un tour. J'ai aucun problème à négocier avec quelqu'un. Restez poli, par exemple. C'est pas le temps de faire des menaces et tout ça, là. Vous restez poli, puis normalement, ça va bien se terminer. Fait que c'est à peu près ça. Effectivement, mais je te dirais que c'est pas toujours le cas. Écoute, moi, j'ai eu une histoire d'horreur d'un ami à moi qui s'est acheté un véhicule, on ne nommera pas lequel, et qui, au bout de 3 semaines, a reçu une petite roche dans son pare-brise en avant. Alors, il est allé voir le concessionnaire. Le concessionnaire lui dit, écoute, on va te le réparer. Il répare. Évidemment, c'était pas sur la garantie, c'était sur ses assurances. Le service du concessionnaire, en mettant les espèces de suces là, pour corriger tout ça, a fracassé le pare-brise au complet. Ils ont chargé 800 $ à mon ami en disant, écoute, s'il fallait payer pour les erreurs de nos techniciens, on serait tous en faillite. Ben, c'est normalement, c'est ça. Tu as des assurances qui couvrent les erreurs de tes techniciens. Effectivement. Alors, ça a dégénéré. La voiture avait 3 semaines. Il est passé. Ben, il dit, écoute, j'en veux plus de mon auto. Tu vas me la racheter. Elle a 3 semaines. Et il lui enlevait 14 000 $ sur la valeur de la voiture. Ouais, c'est sûr. Aussitôt que tu sors, aussitôt que les roues touchent l'asphalte en dehors du concessionnaire, tu perds C'est ça. un Alors, gros disons pourcentage. il est parti, il est allé dans une autre ville voir un concessionnaire de la même marque et il a perdu 300 $ Ouais, sur c'est sa ça. voiture. Ouais, c'est Alors, quand on dit magasiner et faites valoir vos droits, ça vaut la peine dans tous les cas, que ce soit dans l'achat d'une voiture neuve ou dans n'importe quelle autre condition. Prenez le temps de le faire. Vous allez sauver souvent plusieurs centaines, voire des milliers de dollars. Ouais, puis faites pas juste un concessionnaire, faites-en des fois deux de la même marque, puis négociez votre prix. Ils sont souvent négociables, puis il y a des temps de l'année ou sont plus prêts à vous faire un bon deal pour se débarrasser d'une voiture, là. Ouais, d'ailleurs, on pourra en parler à un moment donné, faire une chronique complète sur le bon moment et la bonne façon d'acheter une voiture neuve. Super, là-dessus, je prends des notes et on fera ça dans un avenir rapproché. Avec plaisir, mon cher. Super, Marc. Donc, on va faire une petite pause puis on revient avec nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour. Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Et toi, tu as conduit quelque chose que je trouve vraiment joli, que je n'aurai probablement pas l'occasion d'essayer, mais quand même, c'est une voiture qui est jolie, qui est agréable. Le retour d'Alfa Romeo en Amérique du Nord, la Alfa Romeo 4C Spider. Oui, monsieur, la 4C Spider. Il faut le dire, tu l'as mentionné, c'est le retour d'Alfa Romeo. C'est une voiture qui se distingue d'abord par son look vraiment exceptionnel. Oui. Elle est incroyable, elle est super belle, elle a de la gueule, elle a du style, les sièges intérieurs. Moi, j'ai la version, elle est toute noire avec les sièges beige à l'intérieur. C'est absolument magnifique. Écoute, elle est super belle, là, vraiment. Voilà ce que j'avais de positif à dire. Non, c'est pas vrai. OK. J'attendais le mai, mais c'est ça. Ça ne doit pas être si pire que ça, je veux dire, mais c'est toi qui le sais, là. Ben, en fait, c'est parce que la 4C Spider, c'est une auto pour les puristes d'Alfa Romeo. C'est pas une auto grand public. C'est pas une auto que tu vas utiliser tous les jours comme daily driver. C'est d'abord pas une auto que tu vas utiliser pour faire l'épicerie. OK, on va régler ça tout de suite, là. Le coffre arrière de cette voiture-là ne contient à peu près que la sacoche de mon épouse. OK, si petit que ça, là. Écoute, c'est parce qu'il faut savoir que c'est un toit en toile, Ouais. OK? Toit en toile qu'il faut enlever manuellement en prenant certaines précautions et en utilisant certaines méthodes qui ne sont pas toujours simples à comprendre. OK, ils se sont inspirés de GM pour la Solstice et la Sky? Quelque chose comme ça, mais OK. en pire, parce que c'est plus un espèce de T-top. Oh, C'est pire. pas vraiment un toit complet qu'on enlève, donc c'est vraiment la portion centrale, un peu comme un targa. OK. Tu dois dévisser deux petits boutons à l'intérieur. Par la suite, tu as des clanches que tu dois défaire. Tu dois rouler le toit, le mettre dans le coffre. Un, ça prend de la place, c'est fou. Deux, le faire tout seul, ça demande beaucoup de pratique. Je t'avoue que je ne suis pas encore super agile avec la chose, même si c'est la deuxième fois que je conduis la voiture. Ça, c'est vraiment le défaut. Écoute, le coffre, une fois que tu as mis le toit, c'est pas compliqué, là, il rentre les livres, le manuel de l'utilisateur et mon sac d'ordinateur. OK. C'est ce qui rentrait dans le coffre avec le toit. Fait que tu pars pas en voyage avec ça, là. C'est Non, pas. non, non, non, là. OK. C'est vraiment assez exceptionnel en termes d'espace. À l'intérieur, c'est vraiment un habitacle complètement dénudé aussi. On mise sur la performance et le plaisir de conduite. C'est une voiture qui est extrêmement légère. On parle de 1050 kilos à peu près, essentiellement conçue en fibre de carbone. Donc, c'est vraiment une voiture qui est faite pour la conduite. C'est. Sportive, là, c'est comme c'est la piste même jusqu'à Ouais, aller. la piste. Il y a vraiment une tenue de route incroyable. Ça, c'est vraiment. Écoute, c'est spectaculaire. OK? C'est vraiment spectaculaire à conduire. Mais il y a plein de contraintes quant au confort. Le système de son, là, c'est un petit radio Alpine. Bienvenue 1994. Là, tu payes sur le petit bouton pour replier le devant, là, pour rentrer le CD en arrière. OK. Ça fait 5 jours que j'ai la voiture. J'ai toujours pas trouvé comment jumeler mon téléphone Bluetooth. Ben, ça arrive. Ça. Pourtant, Alfa Romeo, c'est Chrysler. On devrait Ah, mais avoir ça n'a du rien à voir. Connect, tu sais. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment à l'intérieur du système Alpine. Et là, on me dit qu'il y en a trop de jumelés déjà, fait que je ne sais plus où je m'en vais. Bref, je n'ai pas été capable de jumeler mon téléphone. Ce qui, objectivement, n'est pas un gros problème parce que, anyway, tu n'entends rien. C'est méga bruyant. OK. Il faut dire que l'échappement, la façon dont l'échappement est fait, il n'y a pas comme les gros résonateurs et les silencieux traditionnels. C'est vraiment plus direct, c'est vraiment plus en ligne droite. Donc, c'est assez bruyant, surtout que la voiture que j'ai, bon, avait le double échappement là, en option. Donc, c'est un beau son, là. Je ne dis pas que le son n'est pas beau, mais j'ai fait 3 heures de route dans la journée hier. Je t'avoue que je commençais à m'entendre vibrer un peu. La radio, ben, je l'ai dit, c'est la radio Alpine. J'ai toujours pas trouvé l'antenne. Et ça a l'air que mon radio non plus. Parce que quand je suis dans la ville, je prends les postes qu'il y a localement. Donc, surtout que je sors de la ville, je tombe à entendre gricher. J'aime mieux m'entendre chanter. Ça te donne une idée. Alors, Ouais, il y a quand même des limites, mais OK, c'est bon. c'est ça. Alors, ça, c'est extrêmement dénudé. Il n'y a pas de coffre à gants. Les pare-soleils sont gros, à peu près comme le monde entier. C'est minuscule. Alors, c'est vraiment là, c'est très, très peu convivial. Si tu veux connecter un port USB, bien, il y a des fils qui sont logés quelque part en dessous du tableau de bord que tu dois tirer, qui pendent entre les jambes du passager pour être capable de te brancher. Tu sais, on est vraiment zéro convivial. OK. Une fois ça dit, on arrive avec une machine de conduite. Là, le petit moteur, c'est un petit moteur turbo, 4 cylindres, 237 chevaux, mais 258 livres-pieds de couple. Ça déménage. Oui, il y a un turbolag au départ, c'est sûr qu'il y a un délai entre la réponse, mais une fois que tu es parti, ça ne pèse rien. Tu as l'impression d'être lancé dans une fronde, dans un slingshot. Ça décolle vraiment de façon très, très, très rapide. Tu sens tout le plaisir. Tu sais, c'est un 0-100 à 4,1 secondes, hein? Non, OK. Dans sa version coupée. Alors, c'est vraiment absolument incroyable de ce point de vue-là. Ça va bien. L'autre affaire qu'il faut mentionner, c'est la transmission. Vraiment, t'as pas de levier de transmission, ce sont des boutons. T'as d'ailleurs pas de position park, je te signale. Alors, la première fois que j'ai éteint le moteur, je me demandais donc où fallait que je le laisse. Mais il y a pas de position park. Là, tu peux choisir d'avoir la transmission automatique 6 rapports à double embrayage qui est ultra rapide et ultra précise. OK. Ou tu peux la mettre en mode manuel avec des palettes derrière le volant qui te permettent de changer de vitesse comme tu veux. C'est bon. C'est vraiment très, très, très, très, très pilote, très sportif. Ce qui m'a déçu un peu, je t'avoue, c'est la sensation de la pédale de frein. Quand tu appuies fort, elle break vraiment solidement. Quand elle n'appuie pas, quand tu essaies d'y aller progressivement, c'est vraiment mou un peu. Alors ça, c'est une des déceptions. Deuxième déception, et là, ben, malheureusement, c'est mon banquier qui me l'a gentiment rappelé. La voiture que j'ai vaut 85 000 $, ce Ouais. qui est énorme. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Oui, comme troisième, peut-être même quatrième voiture dans une famille. Pour le reste, c'est vraiment une voiture qui est exceptionnellement efficace en termes de conduite, qui est exceptionnellement vibrante en termes de sensation, mais qui est vraiment réservé à une clientèle de puristes, là. D'ailleurs, dernier petit détail, il n'y a pas de direction assistée. OK. Et la visibilité arrière, elle est digne de Mira. Fait que ça veut dire qu'essayer de faire un stationnement parallèle dans le centre-ville de Montréal sur l'heure de pointe, c'est un sérieux défi. Ouais, puis c'est sûrement pas ton petit radio alpine qui va te donner une caméra de recul. Non, effectivement. Alors, c'est Non. vraiment un défi. Oui, tu as des capteurs là, pour l'aide au stationnement qui te disent si tu as un obstacle ou pas, mais n'empêche que ça te prend des bras, là. Tu sais, je suis en train de me qualifier pour la médaille d'or olympique de l'haltérophilie, là, juste à réussir à me stationner. Alors, est-ce que c'est un véhicule le fun à conduire? Définitivement. Est-ce que ça procure des sensations? Totalement. Est-ce que c'est une voiture que je m'achèterais? Peut-être si j'avais de l'argent, 85 000 $ quand même, Ouais, et OK. que j'avais déjà trois autres voitures qui sont capables de combler mes besoins, probablement. Mais écoute, je regrette pas de l'avoir conduit, là. J'ai adoré l'expérience. Super. Moi, j'ai fait dans le un petit peu plus sobre. Ben, sobre en type de voiture, pas sobre en couleur. Moi, j'ai essayé la nouvelle Chevrolet Spark 2016. Voiture, petite voiture, là, une des voitures d'entrée de gamme vraiment pas chère, là, une voiture qu'on peut avoir de base à 1999, 1995 $, là. Bon, Ouais. c'est plus 11 000 quelques avec transport, préparation, mais quand même, c'est une voiture qui est assez abordable au départ. Est un petit peu plus dispendieuse que la Spark qui est de 7 piastres. Donc, c'est vraiment là, la compétition entre la Spark et la Micra. Voiture agréable à conduire. Voiture qui, même dans sa version de base, vous payez 10 000 $ pour ça, vous allez avoir du Apple CarPlay, vous allez avoir une caméra de recul, du Android Auto. C'est vraiment technologiquement avancé. Il y a le Bien, en fait, Wi-Fi c'est celle, 4G. mais c'est celle qui, on disait justement, la plus avancée, mais il faut le préciser, hein, pour avoir le Wi-Fi 4G, il faut quand même dire qu'il faut que tu payes un abonnement. C'est pas inclus, là. Et si tu inclus ça plus le OnStar, c'est 40 $ par mois. On rit plus, là. Puis si vous payez une voiture en 1999 puis vous rajoutez 40 $ par mois, ça double presque vos paiements mensuels. Exactement. Fait que Et ouais. c'était d'ailleurs au moment du lancement, c'était un peu l'ironie parce que on nous disait c'est la voiture la plus économique. Puis on en a fait le lancement en collaboration avec une grande chaîne de magasins d'électronique en disant regardez, Elle est tellement technologique. Oui, mais c'est parce que quand tu dis que c'est la plus économique en termes de prix, Ouais. puis que tu dis que c'est la plus technologique, ça ne marche plus, là. Parce que là, le prix n'est plus le même, là. Non, c'est ça. Si tu rajoutes OnStar puis le Wi-Fi 4G, 40 $ par mois, ça paraît pour une petite voiture comme ça. Mais il y a quand même, je pense, un mois ou 3 mois d'abonnement gratuit. Puis après ça, ben, il faut payer votre abonnement, là, mais vous pouvez l'essayer. Puis après ça, ben, vous le prenez ou vous le prenez pas. Côté voiture, là, c'est une belle petite voiture. J'avais essayé, moi, la Spark électrique, il y a quelques années. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. C'était la première fois que je conduisais la Spark à essence, ce qui est drôle parce que la plupart du monde ont conduit la Spark à essence et non pas la Spark électrique. C'est une voiture qui est quand même agréable, spacieuse à l'intérieur. C'est un 4 places, hein, c'est pas un 5 places. La place centrale arrière est prise par des portes-gobelets. Ce que je trouve un peu dommage, là, ça aurait été le fun d'avoir une place assise au moins, puis mettre le porte-gobelet peut-être par terre là, où ce que les gens mettraient leurs pieds. Souvent, les voitures font, les constructeurs font ça, mais là, c'est vraiment à l'intérieur du siège, il y a un morceau de plastique avec des porte-gobelets. La technologie, oui, le port USB est extrêmement loin. Il est vraiment là, en dessous de la console. Il faut vraiment s'étirer loin. Vous ne faites pas ça en conduisant. Vous planifiez vos affaires avant de partir. Parce que si vous voulez brancher votre fil dans le port USB ou une clé USB dans le port USB en conduisant, bonne chance. C'est à peu près aussi dangereux que jouer au Pokémon parce que vous ne serez plus capable de voir la route. Il faut vraiment se pencher pour se rendre. Mais pour le reste, c'est vraiment une voiture qui a quand même de l'équipement. Il y a quand même des sièges chauffants, toute la technologie CarPlay, tout ça. Le coffre est extrêmement petit, par exemple, là, 2, 3, peut-être aller 4 sacs d'épicerie, puis le coffre est plein. Mais c'est une voiture sous-compacte. Hein. C'est fait pour être pas cher, facile à stationner en ville, des choses comme ça. C'est vraiment une petite voiture qui est peut-être idéale pour ça. C'est une bonne voiture si c'est votre première voiture ou si vous cherchez une petite voiture qui vous coûtera pas trop cher d'essence. C'est une bonne voiture pour ça. Fait que le seul bémol que j'ai, c'est la puissance, là. On a un petit moteur 4 cylindres 1,4 litres qui développe 84 chevaux. Et puis, moi, pour arriver chez nous, il faut que je débarque de l'autoroute et je prends bon, la bretelle, je sors, puis j'ai une petite route ben, de campagne là, qui rentre dans le village assez rapidement. Mais c'est quand même assez passant. Donc, il y a quand même assez de voitures qui passent par là. Et puis, des fois, le trafic à l'heure du souper, là, vers cette heure-là, c'est quand même assez dense. Donc, il faut que tu t'enlignes assez vite si tu veux passer des fois. Mais tu vois les voitures arriver de loin. Fait que tu es capable de prendre un peu t'sais, le temps que ça va prendre pour que la voiture arrive. Puis, tu peux t'enfiler pour t'en aller. Fait que je suis arrivé, j'ai fait mon arrêt complet, et puis là, je voyais, j'ai laissé passer une voiture, je voyais que l'autre était assez loin. Je me suis dit, j'ai le temps de passer entre les deux. J'ai écrasé l'accélérateur, puis il s'est comme rien passé. Comme j'ai dit à ma femme en niaisant, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, j'ai trouvé ça plate, fait que j'ai appuyé sur le frein, je me suis dit, j'ai d'autres choses à vivre dans ma vie que juste ça. Fait que j'ai appuyé sur le frein, j'ai arrêté, puis j'ai laissé la voiture passer. Puis après ça, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus rien. J'ai parti, j'ai pris mon temps, puis j'ai pris la route. Fait que c'est vraiment, au départ, la puissance est vraiment presque nul, là, mais on s'entend, c'est un petit moteur de 84 chevaux. Là. C'est pas hyper puissant. Il n'y a pas beaucoup de coupe non plus. J'ai pas les chiffres de coupe comme ça, vite, vite, là, mais ça doit être dans le 60-quelque. Donc, c'est pas hyper puissant. Mais un coup qu'on est parti, par exemple, faire les dépassements, puis le reste, il n'y a aucun problème. C'est de démarrer rapidement qui est un peu problématique avec cette voiture-là. Mais pour le reste, je veux dire, c'est bien. C'est confortable, c'est pas trop bruyant à l'intérieur, c'est quand même assez bien insonorisé, là. On n'entend pas trop grand-chose. Si vous mettez un peu de musique, vous n'entendez pas nécessairement beaucoup les bruits extérieurs. C'est stable, ça porte pas trop dur. Je m'en ai servi quand même pendant une semaine, on s'en est servi un petit peu la fin de semaine. C'est vraiment comme quand vous arrivez pour faire l'épicerie avec ça, vous vous dites, ben, je vais peut-être en mettre un petit peu sur le siège en arrière parce que le coffre est plein. Mais tu sais, pour le reste, c'est une belle petite voiture, c'est une bonne petite voiture. J'hésiterais pas. Avoir besoin d'une petite voiture, puis je veux pas payer cher. Mettons, je suis pas une voiture pour ma première voiture de mon fils ou première voiture de quelqu'un. J'hésiterais pas nécessairement à aller vers ça. C'est une voiture qui a quand même de la gueule, qui est confortable, qui est quand même bien. C'est juste la puissance du moteur, mais on peut pas tout avoir. Pour une voiture de ville correcte, ordinaire, moi je pense que ça fait le job en masse. Ouais, c'est ça. C'est juste faut penser si on a besoin de partir vite, faut y penser. C'est C'est juste ça. ça. Moi, tu vois, quand moi je l'ai essayé, on nous avait amené à Montréal et on nous a lâché lousse. On nous a dit le matin, voici, aujourd'hui vous vivez comme un étudiant, vous conduisez une Spark Et on vous donne 10 $, non, c'était 20 $, je pense, je ne sais plus trop, pour aller manger puis pour passer votre journée. Rendez-vous à 4 heures. OK. Et on s'est promené dans la ville avec la voiture et on a beaucoup ri. Parce qu'effectivement, c'est une voiture qui a permis de se faufiler à peu près n'importe où. Mais comme tu l'as dit, quand on a essayé d'aller faire un petit peu d'autoroute, mettons que j'ai pas voulu faire de coup vite avec ça, là. C'est Non. pas fait pour ça. C'est Non, vraiment conçu pour ce marché très, très urbain. non. Ouais, c'est une citadine. C'est une voiture de ville pour sortir un peu de la ville aussi de temps en temps, mais surtout, c'est une voiture de ville. Qui, Exactement. tu sais, avec la caméra de recul qui est inclus de base et tout ça, là. Tu sais, quelqu'un qui veut pas nécessairement l'air climatisé puis qui est capable de vivre avec une transmission manuelle là, à 10 000 piastres, t'as la voiture, t'as toute la technologie avec le CarPlay puis le Android Auto, même si tu prends pas le 4G puis tout ça, t'as quand même la caméra de recul de base, quand même une voiture qui est bien équipée de base. Si vous voulez l'air climatisé, ben là, vous montez un peu, là. Mais les prix, là, C'est comme, ça c'est hein? l'équivalent de la Micra, hein? C'est ça, C'est c'est l'équivalent, ça. c'est compétition directe avec la Micra. Prix de départ, ça commence, comme je l'ai dit, à 9 995, puis vous pouvez monter jusqu'à 18 295. Je regarde sur le site de GM présentement, là, avec transport, préparation, le modèle le plus équipé, ça tombe à 20 145. Là, il donne un crédit de 1 000 $, ça fait 19 145. Mais en bas de 20 000, vous avez une voiture cuir et complètement équipée. C'est ce que j'avais, la version cuir et tout ça. Puis il y a des couleurs le fun aussi. Il y a une couleur, un petit bleu pâle. Il y a un vert lime que, Tu comme je trouves disais. ça le fun, le petit bleu pâle, toi? Non, non, j'aime mieux le Moi, vert lime. c'est celle que j'ai essayée, moi, puis j'étais quasiment gêné de faire des photos, là. OK, ouais, c'est ça. Non, le vert lime que j'ai eu était joli. Il y a aussi une espèce de mauve. Mais le vert lime, j'ai fait une joke à ma femme. J'ai dit, sors la bâche. J'ai dit, il faudrait que je mette une bâche par-dessus pour que les voisins puissent dormir cette nuit. Puis j'ai dit, s'il y avait encore des hommes sur la lune, ils pourraient me voir me promener quand je m'en vais travailler le matin. Mais parce que c'est vraiment voyant. Mais c'est un beau vert. C'est pas. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir des couleurs jaunes et tout ça. Fait que c'est une voiture que j'aurais aucun problème à vous suggérer si vous cherchez quelque chose de petit, de pas cher. Puis je veux dire, la gamme de prix est quand même assez large, là. Oui, c'est 10 000 $ pour commencer, ça va jusqu'à presque 19 000, mais il y a de la place entre les deux aussi pour, tu sais, un peu plus d'équipement avec l'air climatisé, transmission CVT ou manuel, là. Fait que ça offre beaucoup de choix. J'ai bien apprécié. C'est drôle parce que la semaine d'avant, j'étais dans le XT5 puis j'ai tombé dans la Spark. Fait que c'est vraiment un monde de différence, mais j'ai pas trouvé le temps long dans Spark. J'ai trouvé que c'était intéressant. Puis ça a de la gueule aussi. C'est une belle petite voiture. C'est bon. Donc, c'est pas mal ça. Donc, Marc, on va faire une autre petite pause. Puis, on va revenir. On va parler des voitures qui seront cette année en compétition pour voiture de l'année à l'AJAC. Avec plaisir, mon cher. Alors, nous sommes de retour et Marc, on va faire le tour des voitures qui vont être en liste pour gagner le prix de voiture de l'année, le Car of the Year de l'AJAC qui se fait à chaque année. Toi, ça fait quelques fois que tu participes. Moi, ça sera ma première fois cette année. Ça va être assez intéressant. C'est au mois d'octobre, ce qu'on appelle le Test Fest ou le Festival des essais. Tu peux-tu juste nous faire une petite récapitulation rapide de c'est quoi le Test Fest au juste? Qu'est-ce qu'on fait là? Écoute, le Festival des essais, en fait, c'est l'espèce de congrès annuel des journalistes automobiles du Canada par le biais de notre association qui s'appelle l'AJAC, Association des journalistes automobiles du Canada. Tu vois qu'on est très poétique. Alors, ce que ça fait, c'est que ça réunit les gens qui sont des journalistes automobiles reconnus. Tu le sais, tu as passé par le processus de sélection. Oui, Il faut deux fois. prouver, ouais, c'est ça. Il faut prouver qu'on est un journaliste officiel, que l'on fait vraiment des textes sur une base régulière. Bref, c'est pas quelqu'un là qui fait ça dans son sous-sol pour, disons, le bulletin paroissial de Saint-Hippolyte, mettons. OK, c'est bon. Donc, ceci étant dit, les gens qui sont membres de l'AJAC et qui font des essais de voitures régulièrement. Parce que dans l'AJAC, tu peux être un journaliste automobile spécialisé en sport motorisé. Ça ne veut pas dire que tu fais des essais de char. C'est ça. Alors donc, les gens qui font des essais routiers réguliers sont invités à participer au Festival des essais qui se déroule une semaine par année en Ontario. Dans ce cas-ci, c'est dans le coin de Mosport, le Canadian Tire Motorsport Park, en banlieue de Toronto, à peu près à 45 minutes de Toronto. Et sur place, on réunit les voitures que les journalistes peuvent essayer par catégorie. Là, je dois préciser que ça touche uniquement les nouvelles voitures ou les voitures qui ont été assez remaniées pour être considérées comme nouvelles. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas parce que tu as un nouveau pare-choc que la voiture va être éligible. Non, ça prend un Ce n'est petit peu pas plus parce que que ça, là. la voiture a gagné l'année passée non plus qu'elle va être éligible cette année, au contraire. OK. Alors, c'est le bon et le moins bon côté de ce concours-là, c'est-à-dire que ce ne sont que les nouveautés. Alors, autre détail qui est important de savoir, c'est que les essais se font par catégorie, bien sûr, catégorie de véhicules en fonction de leur taille, mais aussi dans certains cas de leur prix. Et ce sont les manufacturiers eux-mêmes qui décident de classer leur voiture dans telle ou telle catégorie. Évidemment, il faut qu'ils répondent aux critères de base, là. Mais tu sais, je vais te donner un exemple. Mais là, c'est moins vrai cette année. Mais il y a été des années où, parce que les entrées étaient tellement nombreuses, on était obligé d'y aller par catégorie de prix. Par exemple, une petite voiture de sport performance de moins de 50 000 et de plus de 50 000, par exemple. Là où il y avait des conflits, c'est par exemple une voiture qui se vend de base 47 000 $. Alors là, le manufacturier avait le choix de la mettre dans la catégorie en bas de 50 000 ou de l'équiper suffisamment avec des options pour la présenter dans la catégorie en haut de 50 000. Tu vois, c'est là qu'il y avait des Tu chevauchements peux et jouer un c'était petit peu. particulier. C'est ça aussi qui donne des fois des résultats particuliers parce que, on va en parler plus tard, tu l'as dit, il y a des voitures, tu fais pourquoi elles contre celles-là? Ben, c'est parce que souvent, il n'y a pas de catégorie qui vont permettre d'intégrer toutes ces voitures-là. Je continue rapidement. Les journalistes sont donc sur place, choisissent un certain nombre de catégories. Généralement, c'est trois catégories par journaliste. On est obligé d'essayer toutes les voitures de la même catégorie dans la même journée, sur les mêmes routes. Donc, on a accès à des routes qu'on nous a pré-tracées autour du circuit. Certaines voitures, on peut les amener directement sur le circuit aussi pour évaluer leurs choses. Quand c'est des utilitaires sport, ben, on a des circuits hors route pour le faire. Et on est tenu d'essayer ces voitures-là pour au moins 45 minutes. OK, c'est bon. Toutes les catégories dans la même journée, ça veut dire que s'il fait froid ou s'il pleut, toutes les voitures de la même catégorie vont être confrontées aux mêmes conditions climatiques. Ce qui est l'idéal. Ce qui est l'idéal, on rentre nos votes. À la fin de la semaine, on détermine les gagnants par catégorie, là, qu'on sait un peu plus tard, en fait, parce que nous, on a jusqu'au vendredi 5 h pour rentrer nos votes. Donc, il y aura les gagnants par catégorie. Une fois que ça c'est fait, les gagnants par catégorie, on resoumet ces gagnants-là par catégorie aux journalistes pour que là, ils votent pour les voitures canadiennes de l'année générale, c'est-à-dire voiture et multisegment utilitaire camion, là. Il y a donc deux grandes catégories. Donc, c'est un processus qui est assez complexe, qui est sous la supervision d'une firme comptable agréée, qui est vraiment assez compliqué. Qui a ses défauts, on ne s'en cachera pas, mais qui est quand même relativement bien pensé pour assurer un contact réel entre le journaliste et la voiture elle-même. OK, c'est bon. Et toi, ça va être ta première. Oui. Alors, toi, en plus, il faut le préciser parce que c'est important, tu as le droit de vote. Mais ton vote compte pas. Ben, mon vote compte pour moitié cette année. Bon, alors tu vois, c'est parce que Ça a changé, c'est 0,5. c'est Donc, ça. Alors, c'est ça. l'idée derrière ça, elle est toute simple, hein? C'est qu'on voulait éviter, par exemple, que demain matin, une compagnie manufacturière décide de payer 12 journalistes pour qu'ils travaillent toute l'année pour elle, mais dans des médias différents, et qu'ils viennent voter pour elle la première année pour que sa voiture soit nommée voiture canadienne de l'année. Bon, oui, c'est Donc, ça. on souhaitait éliminer que les nouveaux, donc, risquent d'être influencés. C'est la façon dont la JAC a procédé. Par la suite, ben, tu vaudras comme moi un point complet. Oui, à partir de l'année prochaine. C'est ça. Moi, ça fait déjà quelques Oui, années que toi, t'es je vaux des points expérimenté. complets. Oui. C'est donc la procédure. Comme je te dis, c'est pas parfait, mais en tout cas, c'est une façon bien pensée, disons, de faire les choses. C'est bon. Fait que Marc, on va passer la liste bon moyennement rapidement. Petite voiture que ceux qui sont en liste pour dans la catégorie petite voiture, il y a la Chevrolet Cruze, il y a la Honda Civic Hatchback, la 5 portes qui va faire son arrivée. Je pense qu'elle n'est pas arrivée encore chez les concessionnaires, par exemple, c'est un peu juste, non? Effectivement, mais en fait, il y a des voitures que l'on essaie au test fest qui ne sont même pas vendues au Canada encore, qui vont arriver dans les semaines suivantes. Souvent, on est les premiers à les essayer, là. OK, ça va être intéressant. Par exemple, ça fait longtemps que le monde attend ça. Ensuite, Hyundai va présenter la Hyundai Elantra. Sûr. Subaru, la nouvelle Subaru Impreza. Chevrolet encore avec la Spark. Donc, c'est drôle de voir la Spark et la Cruze dans la même catégorie parce que c'est sous-compact et compact. Et puis, BMW avec la Mini Clubman, la Mini Cooper Clubman. Ouais, en fait, c'est qu'avant ça, tu vois, ça, c'était classé par catégorie de prix. Ouais. Mais comme on trouvait d'une part qu'il n'y avait pas suffisamment dans certaines catégories, tu te retrouves avec deux ou trois candidats seulement, ça vaut moins la peine. On a donc réuni ça sous le format petite voiture. Et je pense que oui, tu sais, une Chevrolet Cruze à 14 000 $ ou une Chevrolet Spark un peu équipée à 13 800, Ouais. les gens font ce qu'on appelle du cross-shopping. Donc, ils vont vraiment magasiner d'une catégorie à l'autre. On en a parlé nous-mêmes depuis le début de l'émission. Non, oui. C'est ta belle-sœur, entre autres, là, qui est prête à faire d'un à l'autre. C'est vraiment plus une question de ce qu'elle va trouver comme financement. Je pense que ça, c'est logique Ouais. comme Non, division, si tu veux. c'est clair. C'est une question de prix, puis bon, c'est quand même la compétition. Comme tu dis, beaucoup de gens vont faire du shopping, du cross-shopping qu'on appelle, fait qu'on va aller à un modèle. Ah, mais est-ce que je veux une plus petite voiture entièrement équipée ou peut-être une plus grosse voiture plus confortable avec un petit peu moins d'équipement? Fait que là, les gens choisissent là-dedans. Voiture pleine grandeur, on a Chevrolet avec la Malibu. Et la Malibu hybride, ça je trouve ça drôle d'avoir deux Malibu, mais une hybride, une non hybride qui vont s'affronter. Kia a fait pareil avec l'Optima et l'Optima hybride. Toyota avec la Prius et puis Volkswagen avec la Golf Alltrack. Ça c'est la Golf familiale. C'est ça. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça va être un peu particulier d'avoir ces voitures-là. D'ailleurs, j'ai un peu de difficulté à comprendre pourquoi on le fait. Ouais, moi aussi. Mais bon, en même temps, regarde, c'est leur choix, là. C'est pas la JAC qui détermine quelle voiture va être là. Ce sont bien les manufacturiers, là. C'est ça, s'ils veulent présenter deux voitures, parce que c'est deux chances de gagner, finalement, c'est quand même bien. J'ai hâte quand même d'y Exact. conduire. La Malibu, je vais l'avoir dans quelques semaines aussi. Je vais pouvoir l'essayer avant. Ensuite, voiture pleine grandeur de luxe. On parle avec Ford, avec la Lincoln Continental, la nouvelle Lincoln Continental. Buick avec sa LaCrosse. Cadillac avec la nouvelle CT6, Hyundai avec la Genesis G90, Mercedes-Benz classe E, la E300 4MATIC, c'est-à-dire la 4 roues motrices, si je comprends bien le 4MATIC, Effectivement, Volvo, c'est c'est ça, tout à fait ça. Formatique, c'est toujours ça. vu que je conduis pas souvent, voire jamais des Mercedes, il faut que j'y aille avec ce que je crois. Volvo avec la S90, puis Kia avec la nouvelle Cadenza. Oui, effectivement, ça c'est un segment qui risque d'être fort intéressant parce que tu as des nouveaux joueurs vraiment. Volvo avec sa S90, c'est une grosse évolution. Ouais. La CT6, c'est un changement radical pour Cadillac. La Lincoln Continental, c'est une voiture que j'attends depuis longtemps. La fameuse Genesis G90, qui en fait, on dit Hyundai, mais c'est plus ou moins une Hyundai parce que c'est maintenant la marque Genesis elle-même. Ouais. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et la classe E qui s'est attirée des éloges partout. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir cette catégorie-là. Je pense que ça va être celle qui va être le plus intéressante. Ouais, j'ai hâte de voir comment surtout la Lincoln va s'en sortir. Lincoln, tout le monde tape dessus depuis un bout de temps. Ah, c'est quoi? Puis même il y a des journalistes qui disaient, bon, Ford devrait juste lâcher ça. Lincoln, tu vas t'acheter une Lincoln ou une Ford Fusion Titanium, puis tu as à peu près la même chose, puis tu payes moins cher pour la Ford Fusion. Mais tu sais, il faudrait que Lincoln sorte un peu du lot. Ils sont capables peut-être de faire ça avec la Continental. J'ai hâte de voir parce que le premier design de prototype était incroyable, mais les autres après étaient moins évidents, je dirais, là. Ouais, c'est ça. Des fois, faut mettre un petit peu d'eau de l'eau dans le vin pour rendre ça commercialement viable. On va voir ce que ça va donner. Voiture sport performance, puis c'est de là un peu qu'on parlait tantôt. On se demande comment certaines voitures se ramassent dans certaines catégories. Fiat avec la 124 Spider, qui est bon, on va le dire, c'est un dérivé de la Mazda MX-5. Là, c'est bâti sur la carrosserie d'une Mazda MX-5, mais c'est une voiture qui a une allure vraiment différente. Totalement. Ford avec la Ford Focus RS, et donc la Ford Focus 4 roues motrices avec 380 et quelques chevaux. Voiture très très intéressante. Et Hyundai Elantra Sport. C'est un peu elle qui sort un peu du lot. La Fiat Spider, bon, c'est un petit roadster, je peux voir voiture sportive. La Focus RS, bon, c'est carrément une voiture de sport, une voiture de course même. Elantra Sport, c'est juste une Elantra avec un moteur un peu plus puissant, puis Oui. quelques accessoires pour y donner une allure un peu plus sport, dont un échappement double, puis des roues, puis des différentes et tout ça. C'est une excellente voiture, l'Elantra, là. Je l'enlève pas. C'est une de mes petites voitures préférées. Je l'ai roulée pendant une semaine. Je l'ai vraiment adorée, cette voiture-là. Mais j'ai un peu de misère à voir cette voiture-là compétitionner avec les deux autres. Ben moi, c'est pas le même, pas exactement le même climat, je te dirais, pour la voiture. Tu sais, c'est, l'Elantra est plus, je dirais, plus familial, même si c'est la sport, là. Fait qu'effectivement, c'est un peu particulier. Ça va être difficile à comparer, mais on verra bien, là. Ben, c'est ça. De toute façon, Voilà. moi, je suis pas juge dans cette catégorie-là, là. Fait que, y a pas de problème. Parce que Ben, pour je la sais même sport pas, moi. performance, pour la J'ai sport même pas choisi une performance, catégorie, moi, encore. moi, j'ai choisi mes catégories, mais j'ai pris des choses que j'ai le droit de faire. Sport performance, je ne peux pas parce qu'il faut avoir des cours de conduite avancée parce que ça se passe sur la piste vraiment. Donc, moi, j'ai pas de cours de conduite avancée. Donc, la catégorie sport performance, de voiture modique et voiture premium, performance, j'ai pas le droit de m'enregistrer dedans. Fait que moi, j'ai pris berline compacte, j'ai pris petite voiture, j'ai pris berline intermédiaire, puis j'ai pris VUS compact. Fait que j'ai pris ces trois petites catégories-là. C'est des voitures que je suis habitué à conduire. Fait que je me suis pris quelque chose dans lequel je suis confortable parce que j'en conduis souvent. Puis il y en a même que j'ai déjà fait là-dedans. Fait que tu sais, je me ramasserai pas dans le territoire inconnu. Fait que j'ai pris quelque chose de territoire connu un peu pour ma première année. Voiture de performance de luxe, Mercedes-Benz avec la Mercedes AMG classe C coupée, AMG C63S. Je pense que tu l'avais conduit celle-là, non? Oui, monsieur, j'ai conduit sur la piste et c'est une méchante machine. Mais effectivement, la C63, j'ai hâte de voir ça. Après ça, Porsche avec la 911 Carrera 4S. Et puis Oui. BMW avec la BMW M2. M2 que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Il y avait même j'écoutais un épisode de Top Gear qui en passant est devenu extrêmement plate avec le départ des trois comparses d'origine. J'ai vraiment de la misère avec les nouveaux. Mais disait que la M2, c'était presque mieux que la M3. Tellement que BMW a joué un peu avec la M3. Il y a beaucoup de gens qui ont débarqué un peu de la M3 pour s'en aller vers la M2. Ils trouvent vraiment que c'est une voiture qui est intéressante, là. Fait que je sais pas, moi, je ne la conduirai pas sur la piste, mais j'imagine que ça va bien s'en sortir. Mais quand tu vas contre Mercedes avec une AMG et contre Porsche avec une 911 Carrera, la compétition est féroce. Mettons. Effectivement. Moi, je t'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup. La M2, c'est une belle voiture, mais j'ai un faible pour la C63, bien que la C43, à mon avis, aurait été largement suffisante. Okay. On va voir. Là, on va faire ça vite parce qu'on est en train de manquer de temps un peu. Petit VUS, Ford avec le Escape, Kia avec le Sportage, Subaru avec le Forester et puis Toyota avec le RAV4 hybride avec Package Technology. Bon, C'est j'imagine. ça. Ça, c'est, on est, il n'y a pas de surprise là-dedans. Bon, après ça, véhicule VUS pleine grandeur, Chrysler Pacifica, qui est la nouvelle caravane, Oui. GMC Acadia et le tout nouveau Mazda CX-9. Ça va être une catégorie de fun. J'ai essayé le Pacifica, j'ai essayé le CX-9 déjà. Je m'en vais essayer l'Acadia dans 2 semaines. J'ai bien, bien hâte de voir ce que ça va donner, mais ça va être une catégorie de fun. Ouais. À date, le CX-9 s'en sort bien. J'ai vu quelques critiques de journalistes, puis le CX-9 a l'air très, très intéressant. CX-9, Puis. c'est très, très intéressant, mais moi, je suis tombé en amour avec la Pacifica aussi. Alors, honnêtement, jusqu'à date, entre les deux, mon cœur balance. On verra ce que ça va donner pour l'Acadia. Okay. Et VUS de luxe Cadillac XT5 que j'ai conduit il n'y a pas si longtemps. Toyota avec le Lexus RX 350 F-Sport série 3. Ça commence à faire long comme nom. Maserati avec le Levante S. Oui. Buick avec son Envision. Et puis Mercedes-Benz avec le GLC 300 4MATIC. Ça, c'est un autre qui tire partout, de tous côtés, comme catégorie, parce que tu as un Maserati contre une Buick Envision qui est fabriquée en Chine et qui est abordable. En tout cas, on verra ce que ça va donner. C'est beau. Donc, c'est vraiment ça, les catégories et les voitures en liste cette année. On va voir ce que ça va donner. Les réponses, normalement, les gagnants sont les premiers gagnants, ceux qui vont vraiment se battre au final, sont annoncés à Montréal. Puis après ça, le gagnant est annoncé au Salon de l'Auto de Toronto. Donc, Salon de l'Auto de Montréal, on va avoir, je pense, c'est les cinq dernières voitures ou les trois dernières voitures par Trois dernières catégorie. voitures normalement, là. Fait que VUS et voiture qui vont se battre. Et puis après ça, c'est à Toronto où le gagnant de voiture de l'année, voiture canadienne de l'année et VUS canadien de l'année vont être annoncés. Donc, on vous donnera plus de détails quand on en aura. Et puis, si on a le temps, on va faire une émission de Toronto. Moi et Marc, si on est là tous les deux, si on est capable de faire une petite émission un soir, on va vous faire une émission de là-bas. Donc, là-dessus, Marc, on va faire une autre petite pause, une dernière, puis on va revenir avec les nouvelles. Alors, nous sommes de retour et Marc, on va faire un petit bloc nouvelle compressé parce qu'on a pris un peu de temps pour parler des voitures en lice pour la voiture de l'année de la JAC. On va faire un petit bloc nouvelle. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? J'ai une question pour toi. Oui? Quelle est la voiture la plus vendue au monde? Ford Focus. Non. Je te donne une deuxième chance, je vais être fin. Volkswagen Golf. T'as passé proche. En fait, c'est la Toyota Corolla. C'est celle qui est la plus vendue actuellement et celle qui était la plus vendue l'année dernière aussi, OK. avec l'année passée 1,3 million de copies. Quand même, c'est pas rien. Cette année, depuis le 1er janvier, on est à 634 000 copies. Pourquoi j'ai dit que tu avais passé proche? C'est qu'au deuxième rang, c'est la Volkswagen Golf. OK. Mais il y a quand même un écart assez monstrueux, c'est-à-dire qu'il y a 130 000 unités de différence. Ça commence à faire pas mal. Écoute, c'est fou, là. C'est-à-dire qu'on passe de 634 000 à 500 000, c'est énorme. Ouais. Évidemment, on souhaite pour tout le monde que ça se maintienne, mais c'est quand il faut préciser que, bien sûr, la Golf, elle n'étant pas vendue aux États-Unis, ça contribue un peu à diminuer ça. Bon, elle est Mais vendue, rapidement, mais elle est vraiment pas populaire, là, c'est non, non, comme. c'est ça. Quand je dis pas vendue, là, je parle en termes de nombre, Ouais, pas en termes de. c'est marginal. Exactement. Alors, si on continue, en troisième position, c'est la Ford Focus. Tu vois, t'étais pas si pire. C'est pas la Ford Focus, c'est la Ford Trieff. En quatrième position, c'est la Ford Focus. Et en OK. cinquième, c'est la Hyundai Elantra. Quand même, une autre affaire qui est assez intéressante parce que, même si elle est en chute libre cette année, la Elantra, au terme des ventes mondiales, je le précise, pas chez nous, mais ailleurs, elle a perdu près de 10%. C'est quand même une voiture qui est très, très populaire. Et à mon avis, l'arrivée de l'Elantra Sport va l'aider aussi considérablement. Oui, c'est une belle voiture, c'est une bonne petite voiture aussi. Mais oui, Hyundai, il y a encore des gens qui s'imaginent que les Coréens font pas des bonnes voitures. À un moment donné, ils vont comprendre. Exactement, Ouais. exactement. OK, c'est bon. Autre nouvelle, on a parlé abondamment des voitures électriques et à hydrogène au cours des dernières semaines. Eh bien, mon cher, tu sauras que le premier Hyundai Tucson à hydrogène vient d'être livré au Québec. Ah oui, j'ai reçu ça par courriel, cette nouvelle-là, ouais. Il a été livré à la flotte gouvernementale, en fait. C'est donc le gouvernement qui, pour le moment, a le seul Hyundai Tucson FCEV disponible. Faut Ouais. dire que les stations de recharge sont assez rares. Ça s'est fait en collaboration avec l'Institut de recherche sur l'hydrogène qui se tient à Trois-Rivières, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, là-bas. Et c'est à ce moment-là la seule endroit où ils vont pouvoir faire le plein. Tu comprendras que c'est pas. Mettons que achètes-en pas un pour aller chez vous, tu vas être un peu mal pris, là. Ça fait loin pour aller gazer. Effectivement, ça fait un peu loin pour aller gazer. Ouais. Dans les autres nouvelles intéressantes, est-ce que tu as entendu parler de la Solo? Non, qu'est-ce que c'est? La Solo, c'est une petite voiture qui est fabriquée en Colombie-Britannique, dont on avait parlé, on a présenté des prototypes et qu'on doit lancer officiellement le 9 septembre. Tu Selon peux la son nom, je commencer. vais dire qu'il y a probablement juste une personne qui rentre dedans. Effectivement, OK. c'est une monoplace, mais OK. elle a une allure, c'est une trois roues en plus, OK. deux roues en avant, deux roues en arrière. Elle a vraiment une cabine. On ne sait pas trop si c'est une auto, une moto, bref, on ne sait pas trop où on s'en va. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est si on a le droit de la rouler. OK. Parce que actuellement, bon, Solo dit on va dévoiler ça le 9 septembre. Tu peux déjà la précommander pour à peu près 20 000 $ sur leur site. Le seul bémol, c'est que moi, j'ai communiqué avec les gens de la Société d'assurance automobile et elle n'est pas autorisée par Transport Canada. Elle n'est pas autorisée par la SAQ. Donc, même si techniquement, elle est bonne pour 160 km d'autonomie et 130 km/h de vitesse, elle n'a tout simplement pas le droit de recevoir une plaque d'immatriculation, donc de rouler sur nos routes. Alors, même si vous voyez passer la Solo, ne la commandez pas tout de suite. Elle n'est pas légale. C'est le plus gros problème. On parle-tu d'une voiture électrique? Parce Ouais, que une voiture 100% électrique, là. parce que t'as parlé d'autonomie, fait que c'est pour ça que ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. OK, bon, c'est quand même intéressant. 100% électrique, 160 km d'autonomie, mais le problème, c'est ça, c'est vraiment le fait que malheureusement, tu ne peux pas rouler avec. Ouais, mais avec 160 de 160 km d'autonomie, tu peux quand même faire beaucoup de cercles dans ton entrée. C'est quand Oui, mais même. ça te prend. Ben, quoi que c'est une trois roues, c'est pas pire, tu n'as pas besoin d'une trop grande entrée de cours pour réussir à faire quelque chose. Ça doit être intéressant. Ils vont probablement essayer de la faire homologuer pour la vendre ici, mais ça va probablement se vendre ailleurs en Europe, peut-être aux États-Unis. Donc, peut-être C'est qu'ils ça. vont être capables d'en passer. On parlait de 20 000 $ au Canada, à peu près 15 000 aux États-Unis. Ouais. Tu peux la précommander. Si tu vas sur le site de Electromechanica, qui est la compagnie qui la fabrique, tu peux la précommander. Comme je te l'ai dit, elle est techniquement disponible à partir du 9 septembre au Canada. Bon, c'est bon. J'ai d'autres choses à mettre dans mon entrée de cours juste pour le regarder. Si je peux Bon, pas sortir avec, on m'a laissé je veux dire, les petites sculptures en plâtre, ça ne marche plus devant tes terrains. Hein? Je veux juste te le dire. Là. faire. Ah, OK. C'est mieux de prendre une auto. En tout cas, bref, une autre petite nouvelle intéressante, la Mazda 6. La nouvelle Mazda 6, on nous a confirmé cette semaine que la nouvelle Mazda 6 arriverait. Pas beaucoup de changements physiquement. En fait, quelques détails ici et là. La grande nouveauté, c'est le contrôle vectoriel de la force G. C'est un système dont je vous avais parlé. Je suis allé l'essayer à Laguna Seca il y a quelques semaines. Donc, un système qui va maintenant être de série sur tous les véhicules. Mais il n'y a aucun changement mécanique dans la Mazda 6. Elle arrive d'ici quelques jours chez les concessionnaires et la Mazda 3 qui va recevoir le même système arrivera, elle, dans quelques semaines chez les concessionnaires. Petite question comme ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui se la posent encore présentement. Il arrive quoi avec la Mazda 6 diesel? Pour le moment, on n'a aucune nouvelle sur la Mazda 6 diesel. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait des problèmes d'homologation, il y avait des problèmes avec les transmissions. Et bien sûr, avec tout ce qui se passe avec le diesel, by the way, Volkswagen n'aura pas de réponse avant le mois d'octobre ou même décembre au Canada concernant ces fameux moteurs diesel, là. Avec tout ce qui s'est passé, bien évidemment, ça n'aide pas non plus. Encore du suspense. Exactement. C'est beau, Marc. Donc, on va terminer ça là-dessus pour cette semaine. Si les gens veulent t'écrire, te lire, que font-ils pour faire cela? Écoute, je l'ai mentionné en début d'émission, tous les sites de NetMedia 360, là, École Auto, VUS Mag, Luxury Car Magazine et Auto au Féminin. Sinon, par mon Facebook, Marc Bouchard, ou sur Twitter, Marc souligné Bouchard. Et vous pouvez aussi nous écrire à info@saroulradio.com, qui est l'adresse courriel où moi et Marc recevons tout ce qui rentre là. Vous pouvez me contacter, moi, à travers Twitter, @Calazormo. Il y a aussi le compte de Saroule Radio. Non, vous ne pouvez pas vraiment faire ça. Il y a Saroule Radio aussi qui est sur Twitter. Sur Facebook, Saroule Radio. On a notre site, saroulradio.com. On est diffusé sur sportradio.ca, sur Radio H2O et sur Radio Highway. On est aussi disponible sur iTunes et sur Google Play. Et puis, c'est ça. Puis, vous pouvez me lire personnellement sur le blog automobile de Kijiji au frkijijiblog.ca. Vous cliquez « Véhicule » et puis vous allez voir mes articles qui vont apparaître là. Donc, Marc, merci encore d'être revenu de vacances pour faire cette émission-là avec moi. Ben, ça me fait plaisir et on se reparle la semaine prochaine, mon Jean. Oui, bonne semaine tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.